Vous êtes toujours sur CKRL 89.1 et bien sûr vous écoutez Futur Simple et nous allons finir l'émission par une escapade nordique. Au nord, les changements climatiques sont visibles, en particulier la végétation change et ces changements sont visibles de l'espace. On peut les suivre à partir de données satellitaires et c'est ce que fait Yannick Duguay, il est étudiant en doctorat en sciences de l'eau à l'INRS. Bonjour Yannick. Bonjour. Donc tout d'abord, Yannick, pourquoi est-ce que c'est important finalement de faire le suivi de la végétation en milieu subarctique? Ben, comme ça a été expliqué un peu plus tôt, les changements climatiques ont de nombreuses conséquences sur les environnements, puis surtout sur les environnements arctiques et subarctiques. Une de ces conséquences-là est ce qu'on appelle le verdissement, ou en anglais « greening » de l'Arctique. Et c'est que les chercheurs ont observé une tendance à l'expansion rapide de la végétation, mm-hmm. surtout arbustive, mais aussi des arbres, vers le nord, et qui prennent la place de la végétation de toundra. Comme du gazon, là, de l'herbe. De l'herbe et les lichens aussi. Ouais, ouais. Et puis, étant donné que les arbustes ont une couleur verte plus vive sur les images satellitaires par rapport à l'herbe ou au lichen. Au lichen blanc, clair. Blanc, ouais. Grisâtre, ouais. Ouais, c'est ça. Donc, on a appelé le phénomène le verdissement. Puis, mm-hmm. Cette expansion-là est surtout visible là, à l'écotone entre la forêt boréale et la toundra, c'est-à-dire mm-hmm. la zone de transition. La frontière, la zone de transition, d'accord. Exactement. Mm-hmm. Puis, ça a plusieurs conséquences, autant sur le climat que sur les environnements au niveau local. Mm-hmm. Tu as parlé d'images satellitaires, donc là on est dans le spectre visible, mais toi tu travailles à partir d'images radar. Alors il faudrait que tu nous démêles un petit peu, c'est quoi la différence entre les deux? Oui, ben en fait, bon, les images satellitaires auxquelles la plupart des gens sont habitués, comme sur Google Earth ou les images qu'on voit dans la météo par exemple, c'est en fait comme une photographie classique où c'est la lumière solaire qui est réfléchie et qui est captée par le capteur. Et bon, ça c'est ce qu'on appelle la lumière visible, ça fonctionne dans le spectre visible, puis ces capteurs-là vont aussi chercher une partie du rayonnement infrarouge. Les satellites radars, eux, fonctionnent à des fréquences électromagnétiques beaucoup plus, des longueurs d'onde beaucoup plus longues. Et c'est en fait, ça s'apparente à des ondes radio. Mm-hmm. Et puis, le signal radar est en fait émis par le capteur et puis ce qui est retourné au capteur, c'est ce qu'on mesure. Parce que c'est réfléchi, ça arrive au sol, c'est réfléchi, ça retourne au capteur sur le satellite. Exactement. D'accord. Puis, par exemple, comme le nouveau satellite RADARSAT 2, ben, il est moins nouveau, ça fait mm-hmm. maintenant quelques années, qui utilise aussi différentes polarisations pour mesurer, pour capter les différents objets mm-hmm. au sol. Donc là, tu viens de dire un autre mot un peu compliqué pour beaucoup d'entre nous. Polarisation, ça demande quelques explications. Oui, effectivement. En fait, la polarisation, c'est une propriété des ondes électromagnétiques, autant les ondes radio que les ondes du spectre visible. Et puis, ça décrit, en fait, l'orientation de l'oscillation de l'onde. Mm-hmm. Et puis, on peut comparer une onde à, par exemple, quand on prend une corde qu'on attacherait à un bout puis on la secouerait de haut en bas, ben elle prendrait une orientation verticale. Donc, on pourrait comparer ça à une ouais. polarisation verticale, ouais. si on veut. Puis, si on se met à la secouer de gauche à droite, ben l'orientation va être plutôt horizontale. D'accord. Donc, ça peut être une façon de s'imaginer un peu ce que peut représenter la polarisation d'une onde. Et puis, par exemple, RADARSAT 2 émet les ondes à la fois en polarisation verticale et en polarisation mm-hmm. horizontale. Puis, il capte le retour dans les deux polarisations. Et puis, en fait, ce qui arrive, c'est que quand l'onde qui est émise interagit avec les objets au sol, elle va la polarisation va être modifiée en fonction de la forme, de la structure ou de l'orientation de l'objet. Si on okay. reprend l'exemple de la corde, par exemple, disons que si on attache la corde à un poteau, puis on se met à la secouer de haut en bas, le poteau pourrait nous retourner une onde qui serait orientée différemment, ah par oui. exemple de gauche à droite. Puis ça va dépendre si c'est un poteau, je sais pas, en métal ou en poteau, la nature de l'objet qui réfléchit l'onde. Exactement. D'accord. Donc, c'est à partir de ça qu'on peut essayer d'identifier différents types de cibles qu'on vise avec le satellite. Puis l'orientation peut prendre, la polarisation peut prendre une orientation qui est bien précise ou elle peut être complètement désorientée, elle peut être orientée de façon aléatoire, on dit alors que l'onde est dépolarisée. D'accord. Puis c'est en fait le cas des arbustes qu'on observe dans le nord avec les nombreuses petites branches qui sont orientées un peu aléatoirement. Ces petites branches-là vont avoir tendance à dépolariser l'onde parce que là, l'onde va rebondir un peu partout sur ces branches-là. D'accord. Et est-ce que en regardant comment cette onde nous revient plus ou moins dépolarisée, est-ce qu'il est possible de regarder, par exemple, la hauteur des arbustes? Parce que je comprends qu'on est capable de voir si c'est des arbustes ou peut-être du lichen, mais est-ce qu'on est aussi capable d'évaluer la hauteur des arbustes? Ça peut être intéressant pour savoir quelle vitesse les arbres poussent selon le changement climatique. Ouais, ben c'est ça exactement. En fait, c'est un des grands avantages des satellites radars et c'est pourquoi on a décidé d'utiliser ces données-là. C'est que l'onde radar, elle pénètre à l'intérieur du couvert végétal. Donc, elle permet de se rendre jusqu'au sol. Contrairement à une image dans le spectre visible où est-ce qu'on voit seulement le dessus de l'arbuste. Ah ouais. Donc, en traversant cet arbuste-là, l'onde va interagir avec les branches, et comme j'ai expliqué un peu plus tôt, et puis ça va être réfléchi vers le capteur. Puis, en général, plus l'arbuste est haut, plus il va avoir des branches qui vont avoir un plus grand diamètre et plus il va y avoir de branches aussi. Donc, la puissance du signal radar qui va être renvoyé vers le capteur va généralement être plus élevée. Et puis, donc, c'est ce qu'on mesure et on a une relation qui est quand même assez directe, dépendamment justement du type de polarisation qu'on utilise. On peut avoir une bonne mesure de la hauteur de la végétation. Et puis, en même temps, ça permet aussi d'aller chercher des images, peu importe les conditions climatiques. Donc, s'il y a des nuages, signal radar pénètre au travers des nuages. Et même, on a vu que quand il y a un couvert de neige qui recouvre les arbustes, on est quand même capable de voir cette relation-là. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même une bonne source d'incertitude parce que, bon, il y a un bruit qui est inhérent au signal radar, mais il y a aussi le fait que nos pixels, la trace au sol d'un pixel radar, c'est 9 mètres par 9 mètres. Donc, à l'intérieur de 9 mètres par 9 mètres, on peut avoir un petit arbuste de 2 mètres de diamètre, puis le reste, ça va être du lichen. Ouais. Donc là, il faut essayer de démêler ce signal. C'est comme s'il faudrait être capable de voir sur des pixels plus petits. Là. Exactement. Donc, nous, on essaie, avec différentes techniques, de démêler tout ça et de faire ressortir les informations qui nous intéressent. Ça doit être des heures d'analyse d'image, hein? Oui, pas mal. D'analyse d'image, d'analyse d'équations assez complexes. Ouais. Et en bout de ligne, quelles seraient les applications possibles? Est-ce que c'est juste pour la curiosité ou est-ce qu'on a un intérêt vraiment à savoir que les arbustes montent vers le nord? Ben justement, pour poursuivre sur le sujet des changements climatiques et le fameux verdissement de l'Arctique, ça permettrait de complémenter les études actuelles en ayant non seulement une expansion spatiale de la végétation, mais aussi avec une expansion, une idée de la croissance verticale de ces arbustes-là. Donc, ça nous permettrait d'avoir une meilleure idée du phénomène et puis ça nous aiderait à mieux comprendre ce qui se passe là, justement, parce que pour l'instant, les seules mesures qu'on est capable d'avoir sur les hauteurs de végétation, c'est des mesures qui sont prises sur le terrain, ponctuelles. Ouais, ça coûte extrêmement cher. Faut y aller. Faut prendre le temps. Ouais. Juste nos données tests qu'on a utilisées, ça a été récolté à l'intérieur d'une été complète. Mm-hmm. C'est seulement une petite région. Ouais, parce que j'imagine qu'il fallait le valider. Là, on a les images qui viennent des satellites, mais puis on peut essayer de comprendre, d'analyser pour comprendre qu'il y avait des arbres qui me passent, mais j'imagine qu'il faut le valider avec des mesures réelles sur le terrain avant de l'appliquer à l'ensemble du territoire. Oui, c'est ça. En fait, toutes les mesures d'arbustes qui ont été prises, ça a été pris par l'équipe de l'Université du Québec à Trois-Rivières, une équipe de biologistes sous la direction d'Esther Lévesque. Et puis, ça a été un travail d'une été complète là, pour aller recueillir toutes ces données-là, mesurer les hauteurs à l'intérieur de différentes parcelles. Et on a recueilli jusqu'à presque 250 parcelles. Ben, finalement, c'est quand même assez impressionnant tout ce qu'on peut voir du ciel. Hein, on peut voir les arbustes pousser, figurez-vous. Ouais. Alors, merci beaucoup, Yannick, d'être venu nous parler de tes recherches. Et rappelons que c'est des recherches qui se font à l'INRS, ici, dans Saroc, tout près de chez nous. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yannick. Alors, on a le temps, je pense, pour une petite pièce musicale. Et bien sûr, vous écoutez CKRL au 89.1. Je rappelle donc que Yannick Duguay est étudiant au doctorat en sciences de l'eau à l'INRS.